Allô, allô, bienvenue au Lobster 17.0. Je viens de sortir ma veste d'hiver. Et oui, mon petit polar que je portais est plus assez chaud. Faut maintenant le manteau chaud pour pas attraper la crève. Donc c'est fait, je suis maintenant habillé en linge d'hiver. Mes bottes sont sur le bord de la porte dès que le sol blanchit, je saute dedans. Et en cette semaine, qui va voir le début de novembre 2018 arriver, on parle de quoi dans ce Lobster? Oui, un sujet plutôt musical. On parle de heavy metal cette semaine, tout simplement. Consacré ce Lobster à l'univers du métal. Pour en apprendre un peu plus sur le sujet, j'imagine, car quand je vous parle d'un sujet, ben je fais mes recherches pour avoir des informations le plus juste possible. Donc j'en apprends toujours plus que je pensais, puis je me couche toujours moins niaiseux le soir. Mais si je veux être totalement franc, je dois dire que je suis un peu fan du heavy metal. Même si je suis pas un fan fini du style, j'en apprécie la sonorité. Avec mon ami Martin, qui nous fait parfois ses commandes de chansons métal pour certains lobsters, on a eu une période où on allait à plusieurs spectacles métal. J'ai donc, dans les années passées, là, il y a plus ou moins 20 ans de ça, eu la chance de voir en spectacle Metallica, Manowar, Blind Guardian, Icert, Nightwish, In Flame et sûrement plusieurs autres. Donc, mes oreilles ne sont pas vierges de riffs et de mélodies heavy metal. Même si je suis pas un spécialiste, je pense que je peux quand même vous faire le tour du genre puis vous montrer ce qu'il y a dans la place. Vous parler de métal sera pas aussi simple que vous pensez, mais bon, je vais rappeler les notes que j'ai prises et je me lance. Le heavy metal est un genre de musique qui, vous le soupçonnez peut-être pas, est très varié et regroupe vraiment beaucoup de sous-genres. Je vais essayer de vous montrer son côté plus gentil, si on veut dire, un peu comme ceci. Son côté mélodique, plus symphonique, plus grandiose. Et bien sûr, je pourrais pas passer à côté de son côté plus brutal et plus destructeur. Donc, pour ouvrir le bal de ce Lobster spécial heavy metal, on se lance avec du Black Sabbath, l'un des groupes qui a aidé à définir et à sceller les codes liés au heavy metal. Donc, on écoute un bout de Paranoid, une de leurs chansons très connues, puis au retour, on parle des origines du heavy metal. Et sachez que pour ceux qui reçoivent cet épisode du Lobster en format 8 tracks ou vinyle, une paire de bouchons vous a généreusement été fournie pour protéger vos oreilles. Je vous souhaite un bon lobster. parler des origines du heavy metal, je pense que je dois en donner les caractéristiques. Le heavy metal se caractérise par la dominance de la guitare et de la batterie, ainsi que par une rythmique puissante. On joue fort, on frappe fort et rapidement sur la batterie pendant que le chanteur projette avec force sa voix au fond de la salle. Aux origines du heavy metal, entre 1969 et 1974, il y a eu des groupes comme Deep Purple et Led Zeppelin qui, en combinant blues et rock, ainsi que diverses influences plus subtilement distillées, ont créé un hybride aux sonorités lourdes et épaisses, centré sur les impulsions de la batterie et de la guitare à la distorsion très amplifiée. Mais beaucoup s'entendent pour dire que le premier groupe d'heavy metal était Black Sabbath. C'est ce groupe qui a mis les bases de ce que serait le heavy metal. Et qui était son chanteur? Au départ, le prince des ténèbres, Ozzy Osbourne, qu'on connaît de façon plus intime maintenant à cause de sa télé-réalité, les Osbourne. Et on peut malheureusement voir que ses problèmes d'alcool et de drogue, sans vouloir être méchant avec lui, ben ça a laissé beaucoup de séquelles. Beaucoup de ses cellules ont malheureusement été détruites par ses excès de vie, et personnellement, sans avoir écouté plus que un ou deux épisodes de son émission, par curiosité, je trouve qu'il fait un peu pitié. Mais bon, je vous parlais pas de Black Sabbath pour vous parler d'Ozzy, mais celui qui devrait plutôt nous intéresser est le guitariste, Tony Iommi. C'est lui qui a donné le ton, c'est lui qui a donné ce son diabolique et satanique à leur musique. Et pourquoi entend-on souvent parler de son diabolique et satanique quand on parle de heavy metal? C'est à cause du triton. Bon, je vous lis la définition car je ne suis pas un expert en musique. En musique, triton est un autre nom de l'intervalle de quarte augmentée ou encore de quinte diminuée. Ce nom est dû au fait que cet intervalle fait exactement 3 tons, soit une demi-octave. Puis à la fin du Moyen Âge, on évitait de jouer le triton car il était jugé dur à l'oreille, ce qui lui a valu le surnom de Diabolus in Musica, le diable dans la musique. Et depuis ce temps, l'emploi du triton est associé à un sentiment malsain ou maléfique. On écoute un triton à la guitare pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, l'exemple parle par lui-même, c'est lourd, c'est grave. Metallica l'utilise abondamment, on peut l'entendre dans l'intro de Battery sur Orion et Harvester of Sorrow. En 1986, une chose étrange est arrivée. Le heavy metal est devenu la musique la plus populaire. Elle n'était pas appréciée de tous, on lui reprochait d'être une musique simpliste pour des gens simplistes. Et ce qui a probablement aidé à rendre plus populaire cette musique, c'est la croisade qu'ont fait certaines épouses des vice-présidents ou de sénateurs de l'époque aux États-Unis. Ils se sont inquiétés que les jeunes écoutent cette musique où les paroles étaient jugées violentes ou inappropriées, et sont partis en croisade. Pas seulement en croisade contre les heavy metal, mais contre les chansons qu'ils jugeaient inappropriées. Inappropriées par leur langage, par leurs propos, par le sujet qu'ils abordaient. Et cette croisade explique les Parental Advisory qu'on retrouve sur les 10 maintenant. Cette croisade a aussi mené au bannissement de 15 chansons des ondes de la radio en 1985, et beaucoup de ces 15 chansons étaient du heavy metal. Aux côtés de chansons de Prince, Madonna, Cyndi Lauper, on retrouvait Motley Crue, AC/DC, Judas Priest, Black Sabbath, Venom, Wasp et Mercyful Fate. Des groupes dont l'une de leurs chansons était bannie car les paroles faisaient référence au sexe, à la violence, aux drogues et à l'alcool ou à l'occultisme. Et parmi ce groupe, Twister Sister avec la chanson We're Not Gonna Take It, qui bannit de la radio et est devenue très populaire par la suite à MTV en vidéo. This is our life. This is Dans le documentaire Metal, Voyage au cœur de la bête, Dee Snider, le leader du groupe Twisted Sister, a d'ailleurs été appelé à comparaître devant le Congrès américain pour défendre sa musique. Voici ce qu'il a dit de cette aventure dans le documentaire. "1984 a été une année démente pour Twisted Sister. On entendait parfois des brides de commentaires de Tipper Gore et des associations parentales, mais on y portait peu d'attention parce qu'il y avait aussi des organisations religieuses qui venaient protester à chacun de nos concerts. Lorsqu'une autre association parentale venait s'ajouter à nos détracteurs, on ne le savait même pas. We have always talked about the positive aspects of the music industry, but of course the highlight has been on the excesses that have been allowed to develop as we have tried to focus our concern on those excesses. Somebody approached our office. Un comité sénatorial allait tenir des audiences sur la censure et on voulait que je m'adresse au comité. Tout de suite, j'ai senti qu'ils voulaient que je monte aux barricades en brandissant le drapeau comme dans le film Braveheart. Hell yeah. J'ai donc pris le drapeau et j'y suis allé. That sort of mentality. Give me the fucking flag, man. Let's go. I knew. Je savais que, comme beaucoup de gens, ils me sous-estimaient et qu'ils me prenaient pour un rocker débile. Ils voulaient me faire passer pour un idiot en espérant que ça jouerait à leur avantage. Ils ignoraient que j'étais capable de m'exprimer en anglais de façon intelligente. J'y suis allé en jeans moulants, avec des bottes en peau de serpent, du maquillage sur les yeux et mes cheveux ébouriffés. Il n'était pas question que je me déguise pour eux. J'ai joué le jeu durant un moment et je me suis préparé à leur asséner le coup de grâce. Mon discours était prêt. Je l'avais peaufiné durant des semaines, et c'était comme une bombe prête à exploser. Je l'ai plié et replié des millions de fois comme un gamin qui se prépare à présenter son devoir à l'école. Enfin, je l'ai déplié sur la table. Je pouvais voir sur leur visage qu'ils croyaient que j'allais être aussi docile qu'un agneau à l'abattoir. And I start reading. Since I seem to be the only person addressing this committee today who has been a direct target of accusations from the presumably responsible PMRC, I would like to use this occasion to speak on a more personal note and show just how unfair the whole concept of lyrical interpretation and judgment can be, and how many times this can amount to little more than character assassination. And I am just tearing apart everything. J'ai démoli toutes leurs accusations et j'ai démontré de manière irréfutable que ces crimes dont on m'accusait n'étaient que des sottises. Ils se sont mis à paniquer et à déblatérer. Ils prétendaient que la chanson « Under the Blade » parlait de sadomasochisme à cause de l'opération à la gorge de notre guitariste. It's not really a wild leap of the imagination to jump to the conclusion that that's about something other than surgery or hospitals, neither of which are mentioned in the song. No, it's not a wild jump, and I think what I said in one part was that songs allow a person to put their own imagination, experiences, and dreams into the lyrics. People can interpret it many ways. Ms. Gore was looking for sadomasochism and bondage, and she found it. Someone looking for surgical references would have found it as well. Yeah. Je leur ai dit que Tipper Gore avait un esprit malsain. Al Gore, son mari, était furieux. Ces gens disaient que nos chansons étaient inacceptables et violentes et qu'il fallait les proscrire. Mais celles n'étaient pas plus violentes que la déclaration d'indépendance. L'association parentale classait les chansons selon leur niveau de violence, de satanisme, de sexualité et de référence aux drogues. Mais la plupart des chansons heavy metal parlent de choses beaucoup plus provocantes, comme l'hédonisme, la religion, la mort et la sexualité. Voilà pour la petite histoire, mais beaucoup de préjugés sont restés attachés à ce style de musique. On pouvait entendre que ce type de musique donnait des idées diaboliques aux jeunes ou qu'elle encourageait le suicide. Ça, on l'a surtout entendu au moment de la mort du chanteur du groupe de Nirvana, Kurt Cobain. Mais bon, au-delà de ce triste événement, le heavy metal reste, à mon avis, simplement un style de musique comme les autres. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et à mon avis, pour que cette musique ne soit pas démonisée dans votre tête, je pense que c'est simplement de la comprendre. C'est toujours l'incompréhension qui mène aux différentes dérives qu'on connaît. Et pas de message subliminal non plus si on fait jouer les chansons à l'envers. Non, je vous ai fait jouer une partie de l'intro de Metallica à l'envers, et on va tous survivre. Ben, j'espère. Bon, depuis tantôt que je vous lance différents noms de groupes de musique heavy metal, mais attention, même moi j'étais surpris de voir l'arbre généalogique du heavy metal. Et oui, ce style a donné naissance à plein de sous-genres qui portent des noms bien distinctifs et dont chaque style a ses représentants. Par exemple, quand on parle du Big Four, Metallica, Megadeth, Slayer et Anthrax, c'est bien du heavy metal, mais on est ici dans un sous-genre nommé le thrash metal. Je vais donc prendre le temps de vous détailler cet arbre, même si on risque de s'y perdre. Pour garder ça simple, je vais laisser tomber certaines branches moins dominantes du style, comme le pirate metal et le viking metal et autres du genre. Il y a tellement de sous-genres que je me suis limité à un des arbres que je trouvais quand même assez complet et qui présente les styles dominants. Et même si je vous nomme des groupes qui sont des bons représentants de chacun de ces sous-genres, sachez que rien n'est figé. Beaucoup de groupes font des incursions dans plusieurs styles. Par exemple, si on parle de Metallica, qui est à mon goût le meilleur représentant de thrash metal, eh bien, ils ont quand même fait une incursion dans le new metal avec un album comme Saint-Anger que je n'ai pas aimé. Comme quoi, les meilleurs peuvent parfois trébucher. Avant de vous présenter les origines du heavy, j'ai aussi demandé à mes amis quelle était leur chanson préférée. J'ai eu plusieurs réponses. Je vais donc vous décrire leurs réponses au cours de ce Lobster spécial heavy metal. En voici une pour commencer, une réponse féminine de mon amie Claudia. Donc, sa chanson préférée, c'est « To Live is to Die » de Metallica. Ce qu'elle aime dans la chanson, ce qu'elle me dit, c'est les variantes dans le rythme, la mort et la vie, c'est purement musical, la douceur et la violence, ange et démon. Voilà. Donc, on écoute un petit bout pour lui faire plaisir. Thank you. Les origines. Au tout début, avant le heavy metal, il y a eu le hard rock qui regrouperait les premiers bands qui ont donné naissance au heavy metal. Ceux que je vous parlais tantôt, Led Zeppelin, Jimi Hendrix et Black Sabbath, pour ne nommer que ceux-là. Ils sont comme les vampires originels, à la base. C'est le hard rock. Ces précurseurs ont donné naissance à trois branches du heavy metal, le hard rock originel, le shock rock et le punk rock. Pour les groupes de hard rock originel, on parle surtout des années 1971 à 79. Se retrouvent dans ce groupe Aerosmith et AC/DC. On écoute un morceau de AC/DC, groupe australien, de leur premier album High Voltage, Baby Please Don't Go. Ensuite, le shock rock de 1968 à 83, un style qui associe la musique rock avec des prestations en concert choquantes mettant en scène du sexe ou de la violence visant à provoquer. Ici, ce style n'est pas un genre proprement dit, puisqu'il ne se différencie pas au niveau musical, mais se décrit plutôt par une manière d'agir sur scène. Alice Cooper et Kiss, pour ne nommer que ces deux-là, sont de bons représentants du shock rock. Alice Cooper, son attitude et son apparence, ainsi que ses mises en scène incluant entre autres des guillotines, des chaises électriques, du faux sang, des serpents, des poupées et des sabres, lui valent d'être reconnu comme le principal père du shock rock. On écoute un peu d'Alice. Et je peux pas quitter le shock rock sans vous faire entendre un peu de Kiss, qui eux ont vendu plus de 150 millions d'albums à l'échelle mondiale, ce qui fait d'eux un des groupes les plus vendeurs de l'histoire de la musique. On écoute une chanson de leur premier album. Finalement, pour compléter les trois premières branches du heavy metal, le punk rock de 1975 à 79. Et des groupes qu'on retrouve dans ce sous-genre, c'est Sex Pistols, The Ramones et The Clash. J'ajouterai aussi un groupe plus récent, Grimmskong, qu'on entend parfois dans Lobster, qui font eux aussi du punk rock. Bon, je fais exprès de nommer un groupe de Montréal ici, car je le connais bien, et j'ai une anecdote avec ce groupe. Quand j'étais à l'université de Sherbrooke pour faire mon bac d'ingénieur informatique, un de mes amis, Charles de Matane, était un grand amateur de death metal. Il ne manquait aucun spectacle des groupes qui passaient par Sherbrooke, et il tentait toujours de m'amener avec lui voir les spectacles. Mais moi, le death metal, c'est plus ou moins mon seul. Un jour, le groupe Grimmskong, que j'aimais bien, est venu à Sherbrooke, et Charles voulait qu'on y aille le voir. J'ai donc accepté. Ça me tentait d'aller voir un groupe de punk en spectacle. Et pour l'occasion, mon ami Charles avait eu la bonne idée qu'on se colore les cheveux. Moi en bleu et lui en rouge. Et pourquoi ce choix de couleur? Simplement parce que c'était une des quatre couleurs dans le kit de coloration alimentaire qu'on trouvait à l'épicerie. Et comme on n'avait ni l'un ni l'autre le goût d'avoir les cheveux jaunes ou oranges, on avait choisi les deux couleurs restantes. Mais le problème avec le colorant alimentaire, c'est que son nom le dit bien. C'est du colorant alimentaire, pas du colorant pour les cheveux. Bon, notre idée de coloration a bien fonctionné, jusqu'au spectacle. Mais à partir du moment où on a commencé à danser et à sauter dans le mosh pit avec les autres au spectacle, ça a été un désastre. Mon Charles coulait du rouge dans le visage et moi j'avais du bleu un peu partout dans le cou et sur mon linge. Donc on a rapidement fini dans la salle de bain à se passer la tête sous l'eau pour retirer tout ça. Une fois le ménage fait, dans nos cheveux, on est retourné voir le spectacle. Et c'est à ce moment, quand la musique se faisait un peu plus folklorique, pour ne pas dire agressive, que j'ai reçu un pogne dans la bouche. Comme on faisait plus sauter que danser, en retombant d'un saut, ma bouche a croisé un pogne montant. Et l'une de mes palettes s'est plantée dans son crâne et s'est fissurée. Pendant longtemps, j'ai eu une petite fissure horizontale sur une des palettes du haut, mais heureusement maintenant, c'est disparu. Ce n'était probablement qu'à la surface. Fin de l'anecdote. Si on revient à notre branche du punk rock, un groupe qui est souvent cité comme le premier à avoir joué de ce style sont les Ramones. On écoute de leurs chansons pour se donner une idée du style. Let's go! Aye! Oh! Let's go! Aye! Oh! Bon, on a vu les trois premières branches du heavy metal. De ces trois branches est ensuite arrivée une pléiade de sous-genres musicaux qui ont chacun un style distinct. Voici donc ces sous-groupes du heavy metal. Le power metal de 1976 à maintenant, où épées, sorcellerie et dragons sont à l'honneur. C'est le genre le plus fantastique du heavy metal à mon avis. On y retrouve plein de groupes que j'adore comme Hammerfall, Blind Guardian ou Manowar. Anecdote. Le 19 mai 1999, j'étais au Spectrum avec mon ami Martin. Ce soir-là, à 8h, nous étions au spectacle de Manowar pour la sortie de leur album live Hell on Stage Live. En première partie, nous avions eu droit au groupe Immortal. Bon, vous vous demandez pourquoi je me souviens de ça. Même moi, je n'aurais pas pu retenir ça. Mais comme j'étais parti avec le poster annonçant le spectacle à la fin du show et que je l'ai encore accroché à une porte dans mon garage, je suis simplement allé voir tantôt les dates inscrites dessus. Mais pour l'anecdote, je me souviens bien du chanteur de Manowar, Eric Adam. C'est impossible de ne pas graver son image dans sa mémoire quand on le voit. Tout habillé de linge de cuir orné de sangles métalliques, le cuir lui laissant une partie du torse dénudée, portant bracelet de cuir orné de pics métalliques au bras, avec des bottes du même style, un vrai habillement heavy metal. Et ce qui était drôle, c'est qu'à l'entrée du spectacle, on nous avait remis des bouchons pour les oreilles. Et j'avais compris, quand le rideau s'était levé, pourquoi on nous avait remis ces bouchons. Le groupe jouait devant un mur de speakers. Et selon Internet, c'est le groupe qui atteint les plus hauts niveaux acoustiques, qui oscille entre 129 et 130 décibels sur scène, soit l'équivalent du Concorde au décollage. Donc, vous comprendrez que ça explique pourquoi beaucoup des membres de groupe heavy metal sont à moitié sourds à jouer comme ça devant des murs de speakers. Fin de l'anecdote. On écoute maintenant un peu de Manowar pour comprendre le style. Mon ami Martin m'a conseillé de faire jouer Hail and Kill. Stay wet. Un autre sous-genre, c'est la nouvelle vague de heavy metal britannique de 1976 à 83 qui regroupe Motorhead, Iron Maiden, Judas Priest, Angel Witch et Diamond Head. Que dire? Iron Maiden et leur mascotte Eddie. Le nom du groupe se réfère à un instrument de torture médiévale. La Vierge de Fer et la mascotte emblématique du groupe, Eddie, sort de l'imagination du dessinateur Derek Riggs. Eddie est une sorte de mort-vivant qu'on retrouve sur toutes les pochettes d'albums du groupe et qu'on peut voir en spectacle. Iron Maiden nous ont donné tellement de bonnes chansons. Mon classique préféré, The Number of the Beast, même si je l'ai déjà fait jouer dans un précédent Lobster, je ne peux pas passer par-dessus dans un spécial heavy metal. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. 'Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Maintenant, un autre style, le glam metal, de 1973 à 91, également connu sous les termes hair metal ou sleaze metal. Les thèmes lyriques sont souvent l'amour, la fête, l'alcool et la luxure. Des bons représentants sont Motley Crue, Twisted Sister et Poison. On a déjà parlé plus tôt du combat de Twisted Sister contre le Congrès américain et le Parent Music Resource Center. Donc, écoutons ici un peu plutôt de Motley Crue, un groupe qui, lui, a vendu plus de 100 millions d'albums à travers le monde. We'll be right back. Maintenant, le pop metal de 1978 à maintenant. Un son mélodique et plus commercial pour la radio. Un style plus connu dû au fait qu'il passe beaucoup plus à la radio. De bons représentants de ce style sont les groupes Europe, Def Leppard, Van Halen et Guns N' Roses. Bon, la prochaine chanson pour représenter le pop metal, ça passe de présentation. On la connaît tous. Maintenant, un autre style du heavy metal, c'est le hardcore, le punk hardcore, de 1980 à 86. Dans ce genre, des groupes comme Black Flight et DOA pour représenter le genre. Bon, moi je suis pas un fan de ce style musical, mais pour le bien de la cause, on écoute un peu de DOA juste pour comprendre le style. Et maintenant, on y arrive finalement. Un sous-genre du heavy metal que j'apprécie particulièrement, le thrash metal de 1983 à maintenant. C'est sous ce genre qu'on retrouve sa star, le Wayne Gretzky du heavy metal, le plus grand groupe à mon avis. Bon. Du Metallica, on a déjà fait jouer. Donc, faisant partie du Big Four du thrash metal, il y a Metallica, Megadeth, Anthrax et Slayer. Et dans ce sous-genre, je dois mentionner leur petit frère de Jonquière au Saguenay, Voivode. Donc, on va plutôt faire honneur aux gens de région ici, et c'est le temps de mettre vos bouchons. Thank you. Bon, il semble que les grands frères sont venus se joindre à Voivode en cours de route. On a donc eu Voivode en entrée, suivi de Megadeth, Slayer, et finalement on a terminé cette présentation de thrash metal avec Metallica avec la chanson Master of Puppets. Et cette chanson est la chanson préférée de mon ami Martin. Voici pourquoi cette chanson est sa favorite. C'est dur de passer à côté de Master of Puppets. Pourquoi? Je sais pas. Je n'ai pas nécessairement de souvenirs qui y sont associés. Mais c'était sûr que c'était dans mes premiers albums de metal. Mais tout y est, cette chanson est parfaite. Et j'aime aussi la façon qu'a Metallica d'aborder certains sujets, à contrario. Plutôt que de parler contre quelque chose, il nous montre l'autre côté. Dans Disposable Hero, plutôt que de parler contre la stupidité de la guerre, c'est plutôt l'armée qui parle et qui explique comment les jeunes soldats sont juste de la chair à canon. Mais on comprend le message. Dans Master, c'est la drogue qui explique comment elle te démolit si tu en prends. Donc voilà, c'est la chanson préférée de mon ami Martin. Donc c'est ça, ça nous amène maintenant à un autre sous-genre du heavy metal, le death metal, de 1985 à maintenant. Un représentant de ce genre, c'est Cannibal Corpse, qui fait dans le brutal death metal. Souvent dans ce style, il est très difficile de comprendre les paroles des chansons. C'est plus un grognement sourd qui vient du fond de la gorge. Faut commencer doucement avec ce style pour l'apprécier. Et souvent, les couvertures d'albums de death metal font un petit peu peur. Moi, je suis pas encore rendu à l'apprécier. Donc, pour préserver vos oreilles, on va aller dans le sous-genre du même style, le mélodique death metal. On va s'essayer avec du Dark Tranquility, un groupe suédois avec leur chanson Terren, pour vous donner un aperçu du style. Death Metal, il y a aussi eu une vague suédoise du genre, de 1990 à maintenant. On retrouve dans ce style le groupe In Flames, mon groupe préféré. C'est le seul groupe dont je possède un gilet, que j'avais acheté à l'occasion d'un spectacle et enfilé avec fierté. On écoute un peu le son de ce band que j'aime bien. Un autre sous-genre du heavy metal est le gothic metal de 1991 à maintenant. Ce style est souvent caractérisé par la présence d'une chanteuse, mais c'est pas essentiel. Et il y a une certaine mélodicité dans le chant. Le metal gothique est souvent décrit comme un mélange avec les ténèbres et la mélancolie du heavy metal. En général, les thèmes abordés incluent la romance, la nature humaine et l'horreur. Des bons représentants de ce style seraient Theatre of Tragedy puis Therion. On écoute donc Theatre of Tragedy, un groupe norvégien. Rendu à cet endroit où mon expertise se termine, pour le reste de l'arbre, je dois vous avouer que je suis perdu. C'est probablement des styles qui me rejoignent moins. Donc, je ne peux pas prétendre les connaître, mais à un moment donné, on a tous des goûts et pour moi, c'est terminé. Mais je termine la description de l'arbre quand même, question d'avoir fait le tour, mais en se faisant un peu plus rapide. Donc, dans les sous-genres du heavy metal qui restent, il y a eu aussi la première vague black metal de 1981 à 86, où on retrouve un représentant qui, le groupe se nomme Venom. Il y a aussi eu le black metal norvégien de 1991 à maintenant, un style qui fait l'objet de controverses en raison des croyances antichrétiennes et des actions parfois extrêmes de certains membres éminents. Par exemple, il y a des dizaines d'églises en bois, les Stravkirke norvégiennes, qui ont été brûlées en Norvège. Un exemple de ce style, ce serait le groupe Immortal. Il y a aussi le Industrial Metal de 1988 à maintenant, représentant, ça serait du White Zombie. Il y a eu le Grunge de 88 à 94 avec Nirvana, Pearl Jam. Le New Metal de 94 à 2003 avec Korn, Slipknot, Limp Bizkit. Et en terminant, nouvelle vague heavy metal américain de 2000 à présentement avec des représentants comme Machine Head puis Lamb of God. Voilà, on a fait une bonne partie du tour de l'arbre généalogique du métal. C'est sûr que j'ai pas pu présenter tous les sous-groupes, mais j'ai présenté les plus dominants. Et pardonnez-moi si jamais j'ai associé votre groupe préféré au mauvais sous-genre, on s'entend qu'à la racine c'est du heavy metal et qu'un groupe n'est pas limité à un style. On prend donc une petite pause et au retour, on vient parler de la culture heavy metal et des diverses anecdotes que j'ai ramassées sur le sujet. Puis pour prendre une pause, on écoute la chanson favorite de mon ami Christian, une pièce de metal progressif américain du Dream Theater, la chanson Pull Me et pourquoi c'est sa chanson favorite. On le saura jamais. Christian a l'habitude d'écrire de longs textes pour expliquer les choses et il semble que j'aurais pas eu le temps de recevoir son explication avant l'enregistrement. Mais on écoute sa chanson quand même. Ayant terminé le tour de l'arbre du heavy metal, le Lapsar n'est pas pour autant terminé. Je vais maintenant vous parler de la culture du heavy metal. Bon, on ne peut pas parler du heavy metal sans parler des cornes du diable. C'est un geste de la main formé par un point fermé dont seul l'index et l'auriculaire sont tendus. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu ou déjà fait. Dans le cadre de la culture rock, en particulier le metal, c'est un geste d'approbation et de complicité entre les fans. Rien de plus, rien de moins. Ne cherchez pas de mauvaises histoires autour de ça, ça serait que des préjugés. Ce signe est simplement un signe que tu peux faire en l'honneur du groupe qui est en train de jouer. Et qui a popularisé ce signe? Vous le savez? Ronnie James Dio. C'est celui qui a remplacé Ozzy comme chanteur dans Black Sabbath. Dans le documentaire Au cœur de la bête, Ronnie explique que sa grand-mère sicilienne utilisait régulièrement ce signe pour repousser le mauvais œil. Et lui, eh bien, il a repris ce signe et l'a popularisé en l'utilisant dans ses concerts. En passant, en langage des signes, ce signe représente la lettre H. Parlant de culture, est-ce que je vous parle du métalleux? C'est le terme francophone. En anglais, on entend plus headbanger ou metalhead. Mais le métalleux, qui c'est celui-là? C'est une personne qui adhère à la culture du heavy metal en général. Même si je n'aime pas généraliser, on reconnaît parfois le métalleux à ses cheveux longs, son t-shirt à l'effigie de l'un de ses groupes auxquels il est fan. Peuvent ensuite s'ajouter divers signes de mode pour compléter le portrait, tels que des vêtements de cuir, des accessoires en cuir ainsi que des clous, chaînes et anneaux métalliques portés sur les pièces vestimentaires. Souvent, les métalleux sont faussement perçus par le grand public comme étant des jeunes se rebellant en affichant leur goût pour la musique bruyante et leur côté antisocial. Mais je vous rassure, ceci n'est qu'une image véhiculée par la télé. Oui, cette musique peut parfois paraître bruyante quand on ne l'apprécie pas, mais pour moi, un concert de jazz aura le même effet sur moi que Battery de Metallica pourrait avoir sur vous, si vous n'appréciez pas le groupe. Et pour le côté antisocial des métalleux, c'est encore là un préjugé. Pour avoir fait la file à l'extérieur du Spectrum en attendant l'ouverture des portes de plusieurs spectacles, et moi-même n'ayant pas un look métalleux, même très loin de là, j'ai toujours pu discuter avec les autres, métalleux faisant la file avec moi, et ce fut toujours fait dans la joie et le respect, car on avait tous le même objectif, avoir du plaisir et voir un bon spectacle de musique. Plus tôt, j'ai parlé du mosh pit. Bon, je suis pas un spécialiste, mais en gros, c'est une forme de danse. Disons qu'après l'épisode de la dent fissurée, je suis resté loin de l'endroit où ça sautait. Souvent, on reconnaît ce style de danse quand un rond se forme au cours d'un spectacle et que ça saute un peu partout et que ça se bouscule. Et finalement, le stage diving est l'acte de plonger depuis la scène d'un concert dans la foule. Vous l'avez sûrement déjà vu dans des vidéos où on voit la personne sauter et ensuite être portée sur le dos par les gens du public. Certains films ont parodié le stage diving en faisant sauter une personne de la scène sans être attrapé par personne et s'écraser par terre. Voilà pour la culture. Je pense avoir fait le tour du plus important. Maintenant, les anecdotes sur le heavy metal. Par exemple, Manowar, groupe célèbre pour ses volumes de jeux hors normes, a été répertorié par le Guinness comme le groupe jouant le plus fort au monde. À l'occasion de la seconde édition du Magic Circle Festival à Ballhorlsen en Allemagne le 9 juillet 2008, lors d'un soundcheck, on a vu qu'ils ont atteint 139 décibels pour la chanson Call to Arm, issue de l'album Warrior of the World. Ce groupe a la particularité de réussir à allier la puissance sonore à la conservation d'un son audible de grande qualité grâce au recours à un matériel de pointe. Une anecdote drôle sur le heavy metal, en 2007, Roger Tullgren, un Suédois de 42 ans, a été officiellement reconnu comme handicapé par l'État suédois à cause de sa dépendance débilitante au heavy metal. Résultat, il reçoit maintenant une pension d'invalidité. C'est magique. En Norvège, 87% de la population appartient à l'Église luthérienne. Et pourtant, le produit culturel le plus exporté est le black metal satanique. Dans les anecdotes, il y a l'histoire de la chauve-souris décapitée par Ozzy Osbourne durant un concert. Bon, ça a largement contribué à bâtir sa réputation. Lancé par un spectateur, l'animal s'est retrouvé au pied d'Ozzy. Dans son autobiographie, ce dernier raconte qu'il pensait alors qu'il s'agissait d'un jouet et qu'il a voulu rendre fou le public en la coupant en deux avec ses dents. Puis là, il dit « Ma bouche s'est aussitôt remplie d'un liquide chaud et visqueux, qui avait un arrière-goût absolument atroce. On dit que le chanteur a dû subir de multiples tests et autres injections très douloureuses pour éviter de contracter la rage. » Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce n'était pas la première fois qu'Ozzy décapitait avec les dents un animal volant. Toujours dans son autobiographie, ce dernier raconte qu'il avait déboulé à une réunion avec les cadres de sa maison de disques, affublé d'une veste dans laquelle étaient planqués des colombes. Le but de la manœuvre était d'impressionner en ouvrant la veste pour laisser s'envoler les oiseaux de la paix. Malheureusement, pas totalement sobre, Ozzy a vite oublié les oiseaux et quand il a voulu se défaire de sa veste, il fut pris d'une panique totale en les voyant. Il empoigna donc une colombe au vol et lui arracha la tête d'un coup de dent. Cela dit, on dit qu'il reste un grand défenseur de la cause animale, même s'il lui arrive de leur arracher la tête à l'occasion. Jamais à court d'idée, quand il s'agit d'engranger encore plus de fric, les membres de KISS, eux, décidèrent de lancer en 1977, en collaboration avec Marvel, leur propre comic book. Histoire de ne pas faire comme tout le monde et d'encourager les fans à s'y intéresser, Paul Stanley, Ace Frehley, Peter Criss et Gene Simmons donnèrent leur sang afin qu'il soit mélangé à l'encre qui servit à imprimer les premiers exemplaires. Voilà, est-ce que j'ai tout dit sur le heavy metal? Bien sûr que non. Et il y aurait beaucoup trop de choses à dire. De mon côté, j'écoute de moins en moins de heavy metal traditionnel ou des sous-genres que je vous ai décrits. Vous l'avez entendu dans les derniers lobsters, je me passionne plus maintenant pour des groupes japonais de metal comme Aldius, dont je vous ai fait jouer certaines chansons déjà. Donc, pour ce spécial du lobster sur le metal, je vous fais découvrir un nouveau genre, un groupe japonais qui fait dans le J-pop et le heavy metal, le groupe Baby Metal. Voilà, on approche de la fin du Lobster. J'espère que vous avez apprécié ce spécial sur le heavy metal. Pour ceux qui aimeraient en apprendre plus, il est possible de regarder les documentaires Au cœur de la bête et Global Metal, deux bons documentaires. De mon côté, je n'avais qu'un seul objectif, vous faire découvrir ce style de musique, et je l'ai fait du mieux que j'ai pu. Je vous souhaite donc une belle semaine et on se reparle bientôt. Et le Lobster se termine avec mon choix de chanson favorite. La première, Black Sheep de Son Antarctica, que je classe ex aequo avec Ashes to Ashes de Blind Guardian. Et on terminera avec Live de Son Antarctica que j'ai découvert en préparant ce Lobster.

the free.